بسم الله الرحمن الرحيم نخوذ اليوم المسألة الرابعة عشر كتوزي مسألة في قول الله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين car الله عز وجل dans le sens il a dit et je vous ai certes préféré au monde entier. Sourate al-Baqara. Ce verset se répète deux fois dans le verset 47 et dans le verset 122. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. Il a dit que cela ne s'oppose pas à la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'il a préféré cette communauté. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Surat Al-Imran, famille d'Imran, verset 110. Pourquoi ? Lienna al-muradu bil-alamin alimu zamanihim. Bid-dalil al-ayati wal-ahadith al-musarrihati bi-anna hadil ummata afdol minhum. Car le sens voulu dans son verset lorsqu'il dit le monde entier, yani al-alamin, c'est le monde de leur époque, les gens de leur époque. Et cela par preuve des versets et des hadiths qui disent clairement que cette communauté actuelle, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure qu'eux. Que hadith Muawiya ibn Haïda al-Kushayri fil masanid wa sunan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تؤفون سبعين أمة أنتم خيروها وأكرمها على الله. Comme le prouve par exemple le hadith de Muawiya ibn Haïda al-Kushayri, ou Kushayri, présent dans les Masanid et dans les Sunan, entre autres chez l'imam Ahmed et chez Tirmidhi et An-Nasa'i wa ghayrihim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous valez 70 des communautés à vous seuls, vous êtes la meilleure d'entre elles et vous êtes la plus honorée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sans compter tous les hadiths ou plutôt tous les versets également, critiquant les Bani Israël. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Lu'ina allazina kafaru min Bani Israël à la lisan Daoud wa Isa ibn Maryam » qui ont été maudits, ceux des Bani Israël qui ont mécru sur la langue de David, sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Mathalan. Wa ghayr dhalika. D'ailleurs, dans la Fatiha, ils sont cités « غَيْرِ الْمَعْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ » non pas comme ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Et parmi le tafsir, expliquer que ceux qui ont encouru ta colère sont les Yahoud, les Banu Israël, du fait qu'ils ont su, mais qu'ils n'ont pas appliqué. ثُمَّ قَالْ أَلَا تَرَا أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى جَعَلَى الْمُقْتَصِدْ مِنْهُمْ وَأَعْلَهُمْ مَنْزِلَهُ وَمَنْزَلَ حَيْثُ قَالْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Ne vois-tu pas que Allah Azza wa Jal a cité leur plus haut rang, c'est-à-dire cette Umma, la Umma des Bani Israël, qui sont les Muqtasid, c'est-à-dire ceux qui sont d'une voie moyenne. Quand je l'ai dit dans le sens, et parmi eux, une communauté de voie moyenne, et la plupart d'entre eux, quelle mauvaise chose qu'ils appliquaient. Surat Al-Ma'ida, la table servie, verset 66. وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصدة وهي درجة السابق بالخيرات حيث قال تعالى ومنهم مقتصدة ومنهم سابقون بالخيرات. Et que Allah Azza wa Jal justement a accordé à cette Umma un rang plus haut que le rang de la voie moyenne, mais il a mis la voie de ceux qui se devancent, qui se précipitent pour faire le bien, qui devancent pour faire le bien, du fait qu'il est dit dans le sens en parlant de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, des gens de la juste voie, de la voie moyenne, on va dire plutôt, de la voie moyenne, et parmi eux, ceux qui devancent vers le bien. Et dans Surat Al-Fatir, verset 32. Naam. Fa ila huna, walhamdulillah rabbil alamin.